si on va témoigner, pas quand on a baillé. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Zou belle pis à mon kessinga. Papa, si elle est kingaï, montez ma basse, la zoupe, papa. Tara est belle à ma cabo, mama. Zou belle kessingaï, tango pamba, oh oh. Kaina weyo, na komiko yenga yenga mama. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Zoupe de pisa mo kesinga, yeah.